Chapitre 16. Restitution. Malgré le succès qui avait récompensé son audace, Lanière était loin d'avoir l'esprit tranquille. Dans l'heure suivante qu'il passa, avant d'oser rejoindre Lucie Shannon, à circuler dans Paris avec force des tours, marche et contre-marche, dans le dessein de dépister les chacals de la meute qui pourraient avoir relevé sa piste par hasard, comme l'avait fait Extrome. Le plaisir, en effet, que lui causait la défaite de sa dupe, était troublé par la crainte que ce fût une folie de considérer l'affaire Extrome comme terminée. L'espion s'était montré d'une docilité trop inattendue. Et cette docilité même offrait quelque chose d'étrange et de menaçant, un présage de malheur qui fut à peine mitigé en retrouvant la jeune fille, saine et sauve, sous l'aile tutélaire de Madame la concierge, dans la petite cour du garage privé où il louait une place pour sa voiture, non loin de la rue des Acacias. Monsieur le concierge, paraît-il, était absent, et Madame, d'esprit épais et de cœur bon, en âme simple qu'elle était, fit preuve d'une superbe incuriosité qui fut des plus agréables à l'aventurier, car elle lui permit de se dispenser d'explications embarrassantes et d'emmener la jeune fille dès qu'il le jugea bon. Cela se produisit aussitôt après qu'un examen personnel l'eût rassuré au sujet de son automobile, à première vue une voiture quelconque, du meilleur genre, mais qui possédait, caché sous son capot, un moteur exceptionnellement puissant. Une telle voiture, passant aisément pour la voiture de ville d'une famille aisée, ou bien pour ce qu'apparaît on nomme une voiture de remise, c'est-à-dire un fiacre sans taximètre, était d'une commodité extrême pour son possesseur, car elle lui permettait de circuler à volonté parmi les fiacres de Paris sans éveiller de commentaires. Mais on aurait pu la laisser stationner en des lieux publics en des heures indues, ni pour longtemps, sans attirer l'attention de la police, et c'est pourquoi elle était inutilisable dans le cas présent. Lanière, néanmoins, soupçonnait fort que ses projets pourraient tourner mal et que la possession d'une voiture roulant vite deviendrait peut-être bientôt indispensable à son salut. Aussi consacra-t-il volontiers une bonne demi-heure à mettre le moteur en parfait état pour la route. Ceci fait, et s'étant assuré par un discret questionnaire posé à Madame la concierge qu'on n'avait fait aucune enquête au sujet de Pierre Lamier et qu'elle n'avait pas remarqué d'individu suspect rôdant dans le voisinage depuis peu, il s'apprêta à faire son premier pas authentique vers la réhabilitation. Il était plus d'une heure du matin quand la jeune fille à son bras il déboucha dans la sombre et somnolente rue des Acacias et, marchant rapidement, traversa l'avenue de la Grande Armée. Après quoi, évitant les voies fréquentées, tous deux piquèrent vers le sud, par un lacis de petites rues, jusqu'à l'aristocratique Passy, longèrent les boulevards des fortifications et arrivèrent au parc privé de la Muette. L'hôtel particulier de Madame Hélène Humbert, cette riche et aimable excentrique, datait du temps où Passy n'était encore qu'un faubourg. Survivance de la Révolution, cette vaste et sévère bâtisse, qui n'avait guère subi de changement depuis l'époque de sa construction, occupait un grand parc négligé, de forme à peu près triangulaire, borné par deux rues et une avenue, et enfermé entre de hautes murailles couronnées de tessons de verre. La porte cochère, gardée par une loge de portier, donnait sur l'avenue. Par ailleurs, des trois poternes percées dans les murs sur les rues latérales, une seule servait couramment aux domestiques de la maison. Les deux autres étaient censés être condamnés en permanence. Mais Lanière était mieux renseigné. Quand ils furent sortis de l'avenue, il ralentit le pas et s'avança avec circonspection, examinant attentivement les alentours. D'un côté s'élevait le mur du parc, d'où dépassaient les branches dénudées d'arbres non taillés, de l'autre, par-delà la chaussée, un pâté de hauts et anciens immeubles, jalousement retranchés derrière des murs de jardin, montraient leurs façades somnolentes aux ouvertures sans lumière. Dans la perspective de la rue, trois uniques silhouettes se mouvaient. Lanière et la jeune fille dans l'ombre du mur, et un malheureux chat abandonné qui décampa en hâte comme un fantôme pris de panique. Là-haut, le ciel se découvrait et laissait voir des trous et d'ébène avec quelques étoiles parmi les nuages en déroute. L'air nocturne avait sensiblement fraîchi et bruissait sous les rafales du vent qui venait de se lever. À quelques mètres de la poterne, Lanière s'arrêta définitivement et parla pour la première fois depuis de nombreuses minutes. Car la nature de leur expédition avait oppressé leurs âmes à tous deux, leur imposant un silence inusité depuis leur départ de la rue des Acacias. « C'est ici que nous nous arrêtons, » fit-il en désignant le mur d'un signe de tête. « mais il n'est pas trop tard. Pourquoi ? Demanda vivement la jeune fille. Je vous ai promis tout à l'heure qu'il n'y aurait pas de danger, mais depuis j'ai réfléchi, et je n'ose plus le promettre. Il y a toujours du danger, et je crains pour vous. Il n'est pas encore trop tard pour que vous vous en retourniez m'attendre en lieu sûr. Vous m'avez demandé de vous accompagner dans un but déterminé, objecta-t-elle. Vous m'avez prié de venir avec vous, en fait. Maintenant que j'ai accepté et que je suis venue si loin, je ne veux pas m'en retourner sans juste cause. Il fit à regret un geste d'acquiescement. Je n'aurais pas dû vous demander cela. Il faut qu'à ce moment-là, j'ai été un peu fou. Si jamais cette aventure avait pour vous des conséquences nuisibles, si vous avez l'intention de faire ce que vous avez promis, doutez-vous de ma sincérité? C'est vous-même qui avez déclaré que vous ne me laissiez aucune raison de douter. Sans plus discuter, mais en proie à de fâcheux pressentiments, il la guida vers la porte, un simple panneau de bois peint en vert foncé et profondément encastré dans le mur. Contrairement à son assertion qu'il avait depuis longtemps fait tous ses préparatifs pour pénétrer dans les lieux, Lanière avait à la main une clé qui fut dans la serrure dès l'instant même où ils atteignirent la porte. Celle-ci s'ouvrit aisément et sans bruit, comme sur des gonds bien huilés. Dans le même silence, il la referma sur eux. Ils se trouvèrent dans un chemin de gravier, envahi par l'herbe, encaissé par des massifs de verdure. Mais le parc était aussi noir que l'intérieur d'un four, et les lourds relents d'humidité, de moisissure, de végétaux pourrissants et de feuilles en décomposition qui emplissaient l'air, semblaient rendre les ténèbres encore plus opaques. Mais Lagnard connaissait évidemment son chemin les yeux fermés. Bien que par prudence il s'abstînt d'employer sa lampe, il ne montra pas dans ses mouvements la moindre incertitude. Pas une fois, il n'hésita sur le bon chemin et pilota vivement la jeune fille à travers un déconcertant et noir dédale de sentiers, de pelouses et de massifs. À un moment donné, il s'arrêta et Lucie s'aperçut qu'ils avaient débouché à l'air libre sur une pelouse de gazon, toute proche de la masse informe et ténébreuse d'un bâtiment muet. La jeune fille sentit sur ses doigts une pression significative, et elle entendit le chuchotement spécial de son compagnon qui lui disait « C'est ici le derrière de la maison, l'entrée de service. De cette porte-ci, une large allée s'en va jusqu'à la grande porte cochère de service. Vous ne pouvez vous y tromper, et la porte elle-même a un loquet à ressort facile à ouvrir de l'intérieur. Rappelez-vous cela en cas de danger. Il pourrait se faire que nous fussions séparés dans l'obscurité et la confusion. » Lui rendant doucement sa pression de main, elle répondit dans un souffle. « C'est compris. » Aussitôt, il l'entraîna jusqu'à la maison, ne faisant halte qu'un instant devant la large porte, dont un battant céda vite, et dès qu'ils l'eurent franchie, se referma sans aucun bruit perceptible. Et alors, la lampe de Lagnard fouilla l'obscurité de toutes parts, explorant rapidement les parois d'un grand vestibule de service et repérant enfin à l'autre bout le bas d'un escalier. Ils se dirigèrent de ce côté, à pas de loup, sur un sol carrelé. L'ascension de l'escalier ne s'accomplit toutefois qu'avec des précautions infinies, car Lagnard essayait chaque marche avant d'y confier son poids ou celui de la jeune fille. À deux reprises, il lui fit enjamber un degré, de crainte que le gémissement de l'antique menuiserie devint à les trahir. Malgré tout, celle-ci ne proféra pas moins de trois affreuses plaintes avant qu'ils fussent en haut. Chacune d'elles marqua une halte et donc une attente de plusieurs secondes angoissées. Mais il semblait que les domestiques qui pouvaient être restés dans la maison, en l'absence de la châtelaine, ou bien dormaient profondément, ou bien étaient accoutumés aux concerts nocturnes de ces bois anciens, et sans malencontre, ils finirent par pénétrer dans l'antichambre de réception qui leur apparut à la lueur du ray dansant de sa lampe comme une pièce de vaste proportion, meublée avec une sobre magnificence. Y laissant la jeune fille seule pour une minute, Lagnard s'élança en haut pour passer en revue les chambres à coucher et les logements des domestiques. Ayant l'impression d'être écrasée et étouffée par le sombre mystère qui l'environnait, elle se roidit contre l'énervement d'une attente prolongée. De toutes parts, l'obscurité semblait animée de bruits et de pas furtifs, de chuchotements et du passage de formes enveloppées dans un silence menaçant. Ses yeux lui faisaient mal, sa gorge et ses tempes battaient, sa peau se hérissait, son cuir chevelu se recroquevillait. Elle croyait ouïr mille bruits inquiétants. les seuls bruits qu'elle n'entendait pas furent probablement ceux qui accompagnèrent le départ et le retour de Lagnard. S'il n'eût pris la précaution, arrivé à quelques pas d'elle, de l'avertir de sa présence par la lumière de sa lampe, elle l'eût sans doute accueilli par un cri d'effroi, tant il se mouvait silencieusement. En fait, elle fut surprise, craignant quelque malheur, de le voir si tôt de retour, car il n'était pas resté absent 3 minutes. « Tout va bien, » lui annonça-t-il à voix basse, et non plus en chuchotant. « Il n'y a, sans nous compter, que 5 personnes dans la maison, tous des domestiques, endormis dans l'aile de derrière. Nous avons donc le champ libre, ce qui n'est pas une raison de courir des risques inutiles. En tout cas, nous aurons fini et nous serons repartis dans moins de 10 minutes. Par ici. » Cette direction conduisait à une vaste et sombre bibliothèque située tout au bout d'une enfilade de grands salons, un véritable musée de meubles d'art et d'authentiques tableaux de maîtres anciens. Tout en marchant lentement à travers ces pièces, Lagnard tenait sa lampe allumée. Involontairement, de temps à autre, il arrêtait sa compagne devant quelque toile ou quelque antiquité remarquable. « J'ai toujours songé à venir ici un jour avec une voiture de déménagement et à vider proprement le local, avoua-t-il avec un petit soupir affecté. De ce point de vue de praticien expert dans ma... dans mon ex-profession, c'est un péché et une honte de laisser tout cela à l'abandon, quand c'est si piètrement gardé. La vieille, je parle de Madame Humbert, a mis presque toute sa fortune là-dedans, et à sa mort, tous ses trésors iront au Louvre, car elle n'a pas d'héritier. Mais comment a-t-elle fait pour ramasser tout ça ? S'émerveilla la jeune fille. C'est l'œuvre de plusieurs générations de collectionneurs passionnés, répliqua-t-il. Feu Monsieur Humbert était le dernier de sa dynastie. Lui et ses prédécesseurs ont réuni les tableaux et les meubles. Madame y a ajouté les choses d'Orient, rassemblées par son premier mari, ainsi que sa propre collection de bijoux anciens et de pierres précieuses, sa toquade particulière. Tout en parlant, il éteignit sa lampe électrique. Un instant plus tard, la jeune fille entendit un petit cliquetis d'anneaux de rideau courant sur leur tringle. Et ce bruit se répéta par 3 fois. Puis, après un autre court silence, le déclic d'un commutateur. Et, ruisselant de l'abat-jour d'une lampe de bureau portative, un flot de lumière inonda le centre d'une vaste pièce pleine d'ombre. Un appartement dont les portes et les fenêtres étaient pareillement calfeutrées de lourdes tentures qui pendaient à longs plis lustrés depuis le plafond jusqu'au plancher. D'énormes bibliothèques noires, aux rayons encombrés de volumes somptueusement reliés, garnissaient les murs, et du haut de leurs frontons, de blêmes bustes de marbre paraissaient regarder les intrus de leurs yeux sévères. Une vaste cheminée de marbre sculpté, supportant un grand miroir obscur, occupait la majeure partie d'une paroi. Au-dessous, un âtre large et profond, béait, à demi caché par un écran ajouré de cuivre et de cristal. Au milieu de la pièce se dressait une table de lecture en acajou. De hauts fauteuils de cuir et des sofas encombraient le reste de son étendue. Et le coin de droite de la cheminée était caché par un haut paravent japonais vermillon et or. Ce fut de ce côté que Lagnard se dirigea avec assurance en emportant la lampe. Il la déposa sur le parquet, saisit à 2 mains un feuillet de paravent et non sans effort le fit tourner, ce qui laissa voir le devant d'un coffre-fort à l'ancienne mode encastré dans le mur. Durant quelques secondes, mais peu nombreuses, Lagnard s'immobilisa, la tête baissée et projetée en avant, les mains sur les hanches pour étudier ce problème. Puis, se retournant, il fit signe à la jeune fille de s'approcher. « Ma dernière opération, » fit-il avec un sourire, bizarrement éclairé par la lampe posée à ses pieds. « Et bien plus facile, je pense. C'est regrettable d'ailleurs, car j'aurais préféré vous montrer un peu mes talents. Mais cette vieille caisse de fer blanc ne laisse aucun prétexte à des méthodes théâtrales. » « Mais, objecta la jeune fille, vous n'avez pas apporté d'outils. » « Si fait, j'en ai. » Et, fouillant dans sa poche, Lagnard en tira un crayon. « Tenez, » fit-il, en le brandissant avec un rire. Elle fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. C'est tout ce qu'il me faut. Avec ceci. » S'approchant du pupitre, il y prit une feuille de papier à lettres qu'il plia en 2 et s'en revint. « Maintenant, dit-il, donnez-moi 5 minutes. » S'agenouillant, il fit faire au bouton de la combinaison un rapide tour préliminaire, puis, appuya l'épaule contre le feuillet de tôle peinte, la joue contre sa surface lisse et froide, l'oreille toute proche du cadran, et avec les doigts experts d'un maître serrurier, il se mit à manipuler le bouton. Doucement, infatigablement, de ci, de là, il le tournait, faisant et défaisant la combinaison, le caressait, l'exhortait, le questionnait inexorablement dans le langage muet que ses doigts parlaient si bien. Et les bruits mystérieux des cliquets et des rouages susurraient des réponses compréhensibles à son oreille exercée. De temps à autre, lâchant le bouton et s'asseyant en arrière sur ses talons, il se courbait sur le cadran avec une attention particulière, notait la position des lettres et, avec son crayon, griffonnait des notes sur le papier. Ceci se reproduisit peut-être une douzaine de fois, à intervalles irréguliers. Il travaillait activement, avec une concentration d'esprit qui semblait lui faire oublier la proximité immédiate de la jeune fille, laquelle, à demi agenouillée à moins d'un pas de son épaule, surveillait l'opération avec un intérêt à peine moins intense que le sien. Mais lorsqu'un petit bruit étrange vint rompre le silence endormi des salons, à l'instant, il se retourna et se dressa d'un seul geste, le regard sur les rideaux. Mais ce n'était que le râle prémonitoire d'une antique grande horloge qui s'apprêtait à sonner dans la pièce voisine. Et tandis que ses coups sonores annonçaient 2 heures, Lagnard répondit par un petit rire tranquille au regard inquiet de sa compagne et alla se réaccroupir devant le coffre. Sa tâche était presque terminée. Au bout d'une minute, il s'assit en arrière avec le visage illuminé, poussa une exclamation étouffée de joie, consulta un moment ses notes, puis, rapidement et avec des gestes assurés, plaça le bouton et les lettres dans les diverses positions de la combinaison, saisit la poignée d'ouverture, la fit tourner avec force, et la porte s'ouvrit toute grande. « Facile, hein ? » ricana-t-il avec un regard de biais à la jeune fille attentive, ravissante avec sa figure animée et ombrée par la clarté renversée de la lampe. « Quand on connaît le truc, bien entendu. Et maintenant, si l'on n'était pas un honnête homme... » Un geste de sa main désigna les casiers qui garnissaient l'intérieur du coffre. Loges grandes et petites, où s'entassaient un pêle-mêle extravagant, d'écrins à bijoux, de paquets ficelés et cachetés dans un papier gris, et des boîtes en bois et en carton de toutes formes et dimensions. C'est seulement ses plus belles pièces, ses joyaux personnels, que Madame Humbert a emportés avec elle en Angleterre, expliqua-t-il. Elle en raffole et ne s'en sépare jamais. Peut-être la plus belle collection du monde, pour la grosseur et la pureté de l'eau. Elle a eu le cœur de laisser ça, tout ça. Avançant la main, il choisit au hasard, sortit 2 écrins de cuir, les déposa sur le parquet, et avec une lame de son canif, força leur fermeture. Du premier, la lumière fit jaillir une irradiation de feu éblouissant. Il n'y avait là rien que des diamants, pour la plupart enchâssés dans des montures anciennes. Il prit une pièce et l'offrit à la jeune fille. Instinctivement, celle-ci retira sa main. « Non » protesta-t-elle dans un chuchotement d'effroi. « Voyons, rien qu'un coup d'œil, » fit-il. « Il n'y a pas de danger, et vous ne reverrez plus jamais le pareil. » Obstinément, elle retirait sa main. « Non, non » suppliait-elle. « J'aime mieux ne pas y toucher. Enlevez cela. Dépêchons-nous. J'ai peur. » Il haussa les épaules et replaça le bijou. Puis il céda de nouveau à la curiosité et leva le couvercle du second écrin. Celui-ci ne contenait que des pièces enchâssant des pierres colorées de premier ordre. Émeraude, améthyste, saphir, rubis, topaze, grenat, lapis-lazuli, hyacinthe, jade, montés par des maîtres orfèvres en anneaux, bracelets, chaînes, broches, agrafes, colliers, de formes ravissantes. Le tout jeté négligemment, pêle-mêle, sans ordre ni soin. Durant 1 minute, l'aventurier contempla de sang-froid ce trésor inestimable, les yeux clignés et la respiration imperceptiblement accélérée. Puis, d'un geste lent, il referma l'écrin, prit dans sa poche celui qu'il avait apporté de Londres avec lui, et le tint à côté du premier, sous la lumière, pour le montrer à la jeune fille. Pas une fois il ne les regarda, ni leur contenu, ni elle, craignant que sa physionomie ne trahît la vérité, à savoir qu'il n'avait pas encore complètement réussi à exorciser ce démon acharné et rebelle, le loup solitaire, du domicile qu'il avait si longtemps habité. Et satisfait d'entendre sa compagne pousser un petit soupir d'étonnement à la vue de ce qui surpassait si merveilleusement ce que lui avaient révélé les autres écrins, il retira celui-ci, le referma, lui trouva une place dans le coffre et, sans désemparer, ferma la porte de fer, fit claquer les verrous et tourna le cadran pour brouiller la combinaison. Une dernière pression sur la poignée d'ouverture, lui ayant montré que le coffre était dûment fermé, il se leva, reprit la lampe, la replaça sur le pupitre, en prenant grand soin de ne pas laisser voir qu'on l'avait déplacée, et chercha du regard la jeune fille. Elle n'avait pas bougé de place, et sa petite personne se détachait parmi les ombres, avec des yeux ravis, dans une face de pâleur resplendissante. Portant la tête haute et les épaules en arrière, il fit un geste, signifiant avec plus d'éloquence que les mots, « C'en est fini de tout cela. » « Et maintenant ?» demanda-t-elle attelante. « En route pour le départ, » répliqua-t-il avec une désinvolture affectée. « Avant le jour, il nous faut être loin de Paris. 2 minutes, pendant que je remets tout en place, pour laisser la pièce comme je l'ai trouvée. » Il retourna au coffre-fort, ramena le feuillet du paravent à l'endroit exact où il l'avait déplacé, et après un rapide examen du tapis, se mit à explorer ses poches. « Que cherchez-vous ? » interrogea la jeune fille. « Le papier où j'ai noté la combinaison. » Elle désigna la poche de son manteau. « Je l'ai, vous l'aviez laissé sur le parquet, et j'avais peur que vous ne l'oubliez. »« Pas de danger, » fit-il en riant. Et comme elle lui tendait la feuille repliée, « Non, gardez-la, vous la détruirez quand nous serons sortis d'ici. À présent, ces rideaux. » Éteignant la lampe de pupitre, il tourna son attention vers les portes et les fenêtres. 5 minutes plus tard, tous deux se retrouvaient dans les rues silencieuses de Passy. Il leur fallut marcher jusqu'au Trocadéro, avant que Lagnard découvrît un fiacre, qu'il renvoya ensuite, arrivé au coin du boulevard Saint-Germain. Quelques pas de plus les amenèrent devant une porte percée, dans le mur du jardin d'une propriété, à la bifurcation de 2 rues tranquilles. « Ici, je pense, vont se terminer nos aventures parisiennes, » annonça Lagnard. « Si vous voulez bien avoir l'obligeance de veiller aux indiscrets et de vous effacer le plus possible contre cette porte. » Et il retourna au bord du trottoir pour mesurer de l'œil la hauteur du mur. « Qu'allez-vous faire ?» Il lui répondit en exécutant la chose si rapidement qu'elle resta béante de surprise. Faisant halte un instant à 1 mètre du mur, il se rassembla, bondit en l'air avec légèreté, attrapa le faîte du mur à 2 mains et... Elle entendit le choc assourdi de ses pieds, touchant terre de l'autre côté. Le loquet grinça derrière elle, la porte s'ouvrit. « Pour la dernière fois, » ironisa Lagnard, « permettez-moi de vous inviter à enfreindre la loi en commettant un acte de violation de domicile. » Après avoir refermé la porte, il mena sa compagne à un banc de jardin, enfoui sous un bosquet traditionnel. « Si vous voulez attendre ici, » lui dit-il, « eh bien ce sera le mieux. Je serai de retour le plus tôt possible, mais je puis aussi être retenu quelque temps. De plus, comme je vais m'introduire par effraction dans cet hôtel, mes motifs, qui sont des plus respectables, seront peut-être mal interprétés, et je préfère que vous restiez ici, à portée de la rue. Si vous entendez un bruit de lutte, vous n'avez qu'à ouvrir la porte, mais espérons que mes bienveillantes intentions envers la République française ne seront pas méconnues. « J'attendrai, » lui déclara-t-elle courageusement. « Mais ne me direz-vous pas ?» D'un geste, il lui désigna le bâtiment au fond du jardin. « Je vais m'introduire là-dedans pour faire une visite matinale et communiquer des nouvelles intéressantes à un personnage des plus distingués, rien moins en fait que Monsieur Ducroix. « Et qui est-ce ? Le ministre de la guerre actuel. Nous n'avons pas encore eu le plaisir de faire notre connaissance réciproque, mais je pense qu'il ne sera pas fâché de me voir. Bref, je veux lui faire cadeau des plans huissement et traiter avec lui pour obtenir notre libre sortie de France. » Avec élan, elle lui tendit la main, et quand il l'eut prise, étonné, avec quelque hésitation. « Prenez garde, » chuchota-t-elle en balbutiant, élevant vers lui sa douce figure pâle. « Oh, prenez garde, j'ai peur pour vous. » Et pour 1 minute, la tentation de l'étreindre dans ses bras fut la plus forte qu'il eût encore éprouvée. Mais il se rappela son année stipulée de probation, et lui lâchant la main, en murmurant quelques mots vagues, il se détourna et disparut dans la direction de la maison.